Salutations et bienvenue à la lecture audio quotidienne de la Bible. Aujourd'hui, nous en sommes à notre jour 43, donc nous sommes dimanche le 12 février. J'en profite pour vous souhaiter à tous un bon dimanche. J'espère que vous pourrez profiter pleinement de cette journée. C'est Maxime qui est au micro avec vous ce matin. Merci de vous joindre à nous encore pour cette lecture ensemble. Donc, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas parce que c'est dimanche qu'on veut sauter notre lecture quotidienne, même si parfois, on a l'impression que, bon, le fait d'être allé à l'église, ça compte et qu'on n'a pas besoin de le faire, mais au contraire, je pense qu'on devrait vraiment prendre encore plus de temps dans la parole. Donc, c'est une excellente journée pour pouvoir suivre avec nous la lecture. Alors, nous commençons à l'instant notre lecture de ce matin qui se trouve en Exode, donc notre premier texte en Exode, le chapitre 34, verset 1, nous lirons jusqu'au chapitre 35, le verset 3. Donc nous lirons le chapitre intitulé dans la version de ce matin, qui est la version second 21, « Renouvellement de l'Alliance ». Et nous commencerons aussi le chapitre intitulé « Le rappel du sabbat », donc qui sera très à propos pour notre journée d'aujourd'hui. Lisons. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure. Tu graviras dès le matin le mont Sinaï, et tu t'y tiendras devant moi, au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voie personne sur toute la montagne, que pas même le petit et le gros bétail ne broutent près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre, pareilles aux premières. Il se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit avec lui les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un. » Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire, pardonne nos fautes et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je conclus moi-même une alliance. Je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne se sont produites dans aucun pays ni chez aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Respecte bien les commandements que je te donne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs poteaux sacrés. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays. Ils risqueraient de t'inviter lorsqu'ils se prostituent à leur Dieu et leur offrent des sacrifices, et tu mangerais des victimes qu'ils ont sacrifiées. Tu prendrais de leurs filles pour tes fils, et celles-ci, en se prostituant à leur Dieu, entraîneraient tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras pas de Dieu en métal fondu. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au moment fixé du mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. En effet, c'est au cours du mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de petits bétails. Tu rachèteras le premier-né de l'âne avec un agneau. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. On ne se présentera pas les mains vides devant moi. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même à l'époque du labour et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines au moment des premières moissons de blé et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. En effet, je chasserai les nations devant toi, et j'agrandirai ton territoire, et personne ne cherchera à s'emparer de ton pays pendant que tu monteras te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Tu n'offriras pas sur du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et l'on ne gardera pas le sacrifice de la Pâque pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les tout premiers produits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est sur cette base que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. » Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et il leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait, et quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Moïse convoqua toute l'assemblée des Israélites et leur dit « Voici les commandements que l'Éternel ordonne de mettre en pratique. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour sera saint pour vous. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui accomplira un travail ce jour-là sera puni de mort. Dans aucun de vos foyers, vous n'allumerez de feu le jour du sabbat. » Nous voulons continuer avec la lecture de notre psaume pour aujourd'hui et nous terminons ce matin le psaume 33, donc nous lirons les versets 13 à 22. Ce psaume qui, ici dans la version Second 21, s'intitule « La joie de ceux qui se confient en Dieu ». L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. « Proverbes, chapitre 6, les versets 1 à 5. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va le supplier et insister auprès de lui. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières. Dégage-toi, comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Nous terminons déjà avec notre texte du Nouveau Testament qui se trouve ce matin en Matthieu, chapitre 6. Nous lirons du verset 25 jusqu'au chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Voilà qui met fin à notre temps de lecture biblique pour ce matin. Nous voulons encore une fois terminer par un mot de prière. Je vais en profiter juste avant pour vous rappeler et vous encourager encore à ne pas hésiter à nous faire parvenir vos sujets de prière. Ça peut être complètement anonyme en fait, mais juste pour qu'on puisse prier ensemble en communauté, qu'on puisse prier pour vous. Ça nous ferait vraiment plaisir. En attendant, je veux commencer. Vous avez peut-être remarqué dans les derniers jours que je prie beaucoup pour la santé, pour ceux qui sont malades. Donc, on a été éprouvés par la grippe cette semaine en famille, qui s'est transformée en bronchite pour quelques-uns. On a tous un peu le rhume là, depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, si vous voulez vous joindre avec nous en prière pour que Dieu puisse ramener la santé dans notre maison. Vous avez peut-être même entendu des petits toussoteux là, en arrière-plan des lectures dans les derniers jours. Donc, on veut prier pour ça, que Dieu puisse renouveler nos forces aussi, puisque le sommeil dans ce temps-là est plus difficile. Et puis, joignons-nous ensemble en prière. Père éternel, grand Dieu Seigneur, toi qui es un, toi qui es un Dieu de grâce et de compassion, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté et en vérité. On se présente devant toi, Seigneur, ce matin, en te confessant que nous sommes un peuple réfractaire, en te demandant pardon, Seigneur, de nous prostituer, en fait, de nous prostituer aux idoles, aux faux dieux qui remplissent nos vies, à tout ce qui prend plus de place que toi dans nos vies. Seigneur, on veut te demander pardon parce qu'on est un peuple qui murmure, qui se plaint, qui s'inquiète. Pardonne-nous dans ta grâce et ta compassion, ô Dieu. Merci, Père éternel, parce que tu es notre secours, notre bouclier, notre délivrance. Seigneur, merci de pourvoir à tous nos besoins, toi qui nourris les oiseaux, qui habilles les fleurs des champs. Combien plus tu t'occupes de nous. Tu nous nourris, tu nous abrites, tu nous habilles. Tu es fidèle, Seigneur, merci de pourvoir à tous nos besoins jour après jour. Toi qui es un bon père, qui prends soin de nous. Seigneur, en tant que parent, on peut comprendre, on aime tellement nos enfants, puis on veut s'en occuper du mieux qu'on peut. À combien plus forte raison, Seigneur, toi qui es parfait, tu t'occupes tellement bien de nous. Aide-nous à ne pas oublier cette image, à ne pas la perdre de vue. Père céleste, nous espérons en toi. C'est en toi qu'on met notre espoir, notre espérance. Te fais confiance. Seigneur, on veut te prier ce matin, je veux te prier pour ma famille, je veux te demander de ramener la santé dans notre maison, de guérir les bronchites, les grippes, la toux, les nez congestionnés, Seigneur. Viens nous soutenir, renouveler nos forces aussi dans ce temps plus difficile et on te demande de nous aider à garder les yeux fixés sur toi, puis à attendre patiemment ta délivrance. Seigneur, on sait que tu vas continuer de bien prendre soin de nous, comme tu nous le promets. Seigneur, on sait que tu vas continuer de bien prendre soin de nous, toi qui es fidèle et bon. Et Père, je te prie pour tous ceux qui souffrent, qui ont peut-être des maladies chroniques, des maladies incurables, des maladies graves. Apporte, Seigneur, ton réconfort, ta joie, ton espérance dans cette souffrance. Mon Dieu, je te prie que tu puisses bénir cette journée, ce dimanche, ce jour du sabbat, qu'on puisse te glorifier et t'honorer, te donner la gloire qui t'est due encore une fois aujourd'hui. Et puisses-tu, Seigneur, renouveler nos forces pour la nouvelle semaine à venir. Et on te confie toutes ces choses dans le nom précieux de Jésus, ton Fils. Amen.